Culture, il est 15h, Culture Société, Abdennour Bidar. Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Lorsque nous regardons aujourd'hui le face-à-face entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ce face-à-face qui conditionne directement ou indirectement à peu près tout ce qui se passe au Moyen-Orient, nous voyons deux États dans lesquels la religion et la politique sont extrêmement liées. L'Iran, plus grand pays chiite du monde, et l'Arabie Saoudite, épicentre du sunnisme, semblent bien être des théocraties, c'est-à-dire des États dont le gouvernement par des hommes assure la mainmise de Dieu sur le cours des affaires humaines. En y regardant de plus près, pourtant, pas sûr que cela soit aussi simple et que, là comme ailleurs, la référence à Dieu, à la religion, ne soit pas utilisée surtout, ou souvent, comme une ruse du politique destinée à lui attacher l'obéissance d'un peuple de croyants. Plus profondément donc, et en prenant un peu de recul historique, on peut se demander de quelle nature sont les rapports entre la religion et la politique dans le monde musulman. La religion a-t-elle toujours exercé une sorte d'emprise ou de domination politique, ou bien le pouvoir politique a-t-il pris vis-à-vis d'elle une autonomie? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui en compagnie de Makram Abbès, spécialiste de l'histoire politique de l'islam. Makram Abbès, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur des universités à l'ENS, à l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes également membre junior de l'IUF, Institut universitaire de France. Vous venez de publier une traduction, la traduction d'un traité intitulé, on est directement dans notre sujet, « De l'éthique du prince et du gouvernement de l'État » de Al-Mawardi, qui est un juriste irakien, mais vous allez nous le préciser, de la fin du Xe siècle, la première moitié peut-être plutôt du XIe siècle, et qui est considéré comme l'un des meilleurs auteurs politiques de l'âge classique de l'islam. Vous pouvez nous dire quelques mots sur cette traduction, sa genèse, son intérêt aujourd'hui ? Oui, tout à fait. C'est une traduction donc qui est faite à partir d'un texte qui est assez représentatif de la tradition des miroirs des princes ou bien de la tradition des arts de gouverner. Et Al-Mawardi est très connu à la fois dans la tradition de l'islam depuis l'époque médiévale, mais aussi surtout dans la tradition orientaliste en tant que juriste, un spécialiste du droit public et administratif. Et cela, donc, il le doit à un livre qui est vraiment fondamental dans la tradition de la pensée politique de l'islam, qui s'intitule « Les statuts gouvernementaux », donc très connu depuis le 19e siècle dans toute la tradition orientaliste. Il a été traduit en plusieurs langues européennes en partie, mais surtout en totalité donc en français au début du 20e siècle. Et cet auteur, il est très intéressant, parce qu'il est aussi théologien, commentateur du texte coranique, juriste, mais aussi philosophe, non pas dans le sens, disons, strict du terme, mais dans le sens où il s'intéressait à la littérature des maximes morales et politiques. Mmh. Et donc, il a puisé dans un fond historico-littéraire, mais aussi moral et philosophique, dans lequel, justement, se dessinent les grandes lignes de cette tradition des arts de gouverner. Et donc, le texte, il s'intéresse aux principes du gouvernement de l'État, mais à partir d'une réflexion primordiale portant sur l'éthique du prince, c'est-à-dire comment former le prince, comment doit-il se conduire lui-même, donc quelles sont les vertus du prince parfait, à partir desquelles il pourrait exercer parfaitement son métier. Alors, avec ce livre, avec cette traduction, vous restez dans la droite ligne de votre champ de compétences et de spécialité, puisque je vous reçois aujourd'hui pour un livre dont le thème était déjà là, ce que vous venez d'appeler l'art de gouverner, à travers cette littérature, ce genre et ce registre littéraire particulier qu'on appelle le genre des miroirs des princes. Vous allez nous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit. Ce livre pour lequel je vous reçois est en passe de devenir un classique. Il a pour titre, oui, alors qu'il est, sorti seulement, je dirais, en 2009, hein, c'est encore un ouvrage récent. Il a pour titre « Islam et politique à l'âge classique ». Il est paru aux presses universitaires de France. Et Pour aborder le dialogue sur ce livre, je voudrais vous poser une première question. Je répète son titre, « Islam et politique à l'âge classique ». Est-ce que vous pouvez nous aider à définir d'emblée un peu quelle est la période de cet âge classique de l'islam ? Donc nous donner une petite situation historique de l'objet que vous examinez, c'est-à-dire de l'art de gouverner tel qu'il va être traité dans les « Miroirs des princes » à l'âge classique. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne la périodisation, c'est un problème majeur parce que, pour l'instant, l'histoire de l'islam n'a pas été totalement écrite, c'est-à-dire qu'il y a de bons spécialistes donc dans le domaine de l'histoire de l'islam, mais effectivement, donc il manque beaucoup d'informations, d'études, d'exploration de cette histoire dans toute sa complexité. Et pour l'instant, en fait, on désigne par l'expression âge classique une période, disons, allant du début, donc, mais plus particulièrement du 8e, donc au moment où effectivement on s'installe dans la civilisation de l'islam, donc avec un grand empire qui est l'empire abbasside. Et ça commence entre le 7e et le 8e siècle jusqu'au 15e siècle. Alors le 15e siècle, c'est un moment charnière parce que donc on voit de nombreux facteurs à la fois politiques, géopolitiques qui s'installent. Par exemple, la fin de l'islam espagnol, donc avec la chute de Grenade en 1492, la reconquête donc de toute l'Espagne, et puis le déplacement du centre du monde musulman du berceau original de l'islam, qui était, disons, le Proche-Orient, vers Istanbul, suite à la conquête de Constantinople en 1453. Donc, il y a un certain nombre de facteurs géopolitiques qui font que, eh bien, nous tournons la page d'une ère qui a fortement marqué donc l'histoire de l'islam, cette première partie, disons, de l'histoire de l'islam, dans laquelle, bien évidemment, on peut trouver des césures, on peut trouver d'autres seuils, enfin, on mais peut situer... Mais qui a quand même une homogénéité de 750, c'est-à-dire à partir de la création de la dynastie abbasside. Tout à fait. En fait, bon, on peut remonter, bien évidemment, à la période omeyyade, parce qu'il y a des continuités au niveau de certaines problématiques, disons, relevant de la civilisation, bien de l'histoire ou de la politique. Mais disons que le facteur important, ça reste quand même la question de la langue. C'est-à-dire que à partir du 15e siècle, il n'y a pratiquement plus d'œuvres en langue arabe. C'est-à-dire que nous avons les deux grandes langues du monde musulman qui vont reprendre le flambeau de la création à la fois littéraire, artistique, philosophique, théologique, juridique. Donc à partir du 15e se forme à la fois l'ensemble turc, l'Empire ottoman. Bon, elle était déjà là, mais je veux dire, à partir du 15e siècle, c'est quand même un moment important, la conquête de Constantinople. Et puis l'ensemble safavide, donc qui va prendre aussi une identité religieuse avec le chiisme, la conversion donc du souverain au chiisme. Et donc ça va donner naissance en quelque sorte à deux nouvelles grandes cultures dans lesquelles, en fait, on ne parle plus l'arabe, et c'est avec l'époque moderne, c'est vraiment le turc et le persan qui sont qui deviennent en fait les langues Qui prennent la prédominance. Voilà, exactement. Dans ce livre, ce qu'on appelle, et on a déjà utilisé tous les deux l'expression, les miroirs des princes, c'est-à-dire des traités tout à fait particuliers qui sont à l'usage de ceux qui vont gouverner ou de ceux qui sont en train d'exercer le pouvoir et qui exposent un art de gouverner. C'est peut-être l'objet de ma première question, un art de gouverner ou une science du gouvernement politique ? Est-ce que gouverner dans ces traités est un art ou une science ? Il y a une grande discussion, notamment dans le domaine de la philosophie, entre entre les différents penseurs, donc à propos de l'identité de la politique. Est-ce que, de la même manière qu'on a engagé des discussions à propos de l'identité de la médecine en tant que domaine ou bien en tant que champ disciplinaire, est-ce qu'il s'agit d'une science doté de principes certains démontrables, ou bien d'un art, de lois régulières effectivement, ou bien d'un art qui fait appel à la donc à des normes plutôt contingentes, ou bien à des règles qui doivent disons s'adapter à des circonstances un peu particulières et dans lesquelles en fait on n'est pas certain toujours des résultats, même si on est un bon médecin et que on apprend parfaitement la science et voilà. Donc, est-ce qu'on n'a pas dans ces traités le paradoxe d'un art qui se présente comme une science ou d'une science qui se présente comme un art, c'est-à-dire de quelque chose qui appelle en même temps le prince à un opportunisme et à un pragmatisme, oui. C'est-à-dire à une capacité d'adaptation aux circonstances du moment et à ce qu'elle requiert, et en même temps l'énoncé d'un certain nombre de règles à travers des maximes. Je crois que dans ces traités de gouverner, il y a vraiment cette présence de maximes générales. Absolument, oui. Effectivement, en fait, il y a disons que c'est l'identité du genre provient principalement de la source qui a nourri et qui a irrigué en fait toute la tradition des miroirs des princes ou bien des ars regiminis en fait dans la tradition latine. Cette source là c'est principalement l'histoire, et l'histoire en tant que disons en tant que science, en tant que champ disciplinaire, elle-même justement subit le même sort que la politique, c'est-à-dire qu'elle est soumise à cette idée de contingence, de nécessité d'envisager les cas particuliers, les circonstances particulières, pour pouvoir déduire justement des lois générales de l'histoire ou arriver à établir une philosophie générale de l'histoire. Mais comme l'a dit du côté occidental Hegel, bien plus tard, le problème c'est que chaque situation est unique, hein, et que si on pouvait tirer une expérience de l'histoire, eh bien on le saurait depuis longtemps. Tout à fait. Alors l'objectif de la tradition politique des miroirs des princes, qui ressemble un petit peu par exemple à ce que fait Machiavel dans ses travaux dans Le Prince, ou bien dans les discours sur la première des quatre du Tite-Live. Tout à fait, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc l'objectif c'est d'étudier, de prendre l'histoire comme une sorte de réservoir d'expérience humaine en matière de politique, pour voir comment les grands souverains ont fondé leurs états, comment ils ont gouverné, comment ils se sont comportés ou se sont conduits à l'égard des ennemis, à l'égard des conseillers, à l'égard de leurs proches. Et à partir de là, donc à partir de cas particuliers justement, qu'on peut étudier dans l'histoire, voir quelles sont les meilleures solutions et les meilleures attitudes ou bien les meilleures conduites que le prince pourrait adopter donc au moment où il gouverne, au moment où il exerce ce métier. Donc le prince devrait d'abord être formé dans la discipline historique. Dans la discipline historique, voilà. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une méthode empirique. Hein, c'est-à-dire qu'on part de l'observation et de l'accumulation d'expériences concordantes, hein, pour voir si par induction, eh bien, on peut en tirer un certain nombre de règles générales. Tout à fait. Et les maximes, en fait, s'insèrent justement dans cet esprit-là. Les maximes de gouvernement. Vous pouvez nous donner des exemples de maximes de gouvernement. Par exemple, il y a une maxime très célèbre qui met sur les deux plateaux d'une balance en fait la question de disons très difficile de la préférence qu'il faudrait accorder à un pouvoir violent, voire injuste, ou bien à une discorde, à une guerre civile, ou bien à des troubles. Alors il y a une maxime célèbre en arabe qui traverse en fait tous ces miroirs, qui dit « un pouvoir violent est préférable à une discorde durable ». Par exemple. Donc, en fait, quelque chose qui ressemble pour le prince à un dilemme moral et politique. Alors, il y a une part De deux mots, choisissons le moindre, peut-être. Tout à fait. Justement, on est dans une forme de condensation des enseignements. Donc, ça se fait à partir de quelques verbes, de quelques substantifs, de quelques adjectifs, qui essaient, en fait, de synthétiser de manière totalement condensée et ramassée, de synthétiser les enseignements politiques. Alors, il y a une autre maxime aussi qui dit que le pouvoir politique peut durer malgré l'impiété, mais ne peut exister dans l'injustice. Alors, c'est une belle maxime. Ça fait partie des maximes que j'ai relevées dans le livre, effectivement, et on en parlera un peu plus loin. Je reste sur la première qui m'a frappé. Oui. Donc, vous dites, la première maxime, c'est, et donc à l'usage du prince, tu dois toujours c'est pas une question de préférence, mais te résoudre à un pouvoir qui serait violent, c'est-à-dire qui serait un peu autoritaire, parce que ce pouvoir autoritaire permet de maintenir un certain ordre, tout plutôt que la discorde, c'est-à-dire la guerre civile, le désordre, le chaos, l'instabilité. C'est une préférence pour l'ordre. Alors, c'est une préférence pour l'ordre, effectivement, mais qui n'est pas forcément adressée au prince, c'est-à-dire qu'elle émane des expériences humaines en matière de politique, ou bien de philosophie politique, parce que effectivement, on préférerait, d'ailleurs, c'était l'opinion de tous les penseurs, ou de la plupart des penseurs ont vécu les guerres de religion, par exemple, ou bien les troubles religieux en Europe entre le XVIe et le XVIIe siècle, notamment les partisans de l'absolutisme, Eh bien, donc, on préfère avoir un pouvoir autoritaire et violent qui puisse maintenir l'ordre plutôt que d'avoir donc une situation donc dans laquelle les hommes sont, donc s'entretuent et se trouvent conduits à la rupture, vers la rupture en fait totale du pacte social, parce que c'est une situation effectivement qui, c'est une situation d'état de nature généralisé, bien sûr, bien sûr. Qui est difficile à supporter pour les hommes. Oui, certes, mais est-ce que ce n'est pas le refus à partir de là du risque révolutionnaire ? Oui, alors effectivement, c'est ça le dilemme moral et politique, parce que d'ailleurs c'est une situation que vivaient les Syriens, pas mal de Syriens depuis la Révolution, par exemple, puis d'autres peuples arabes. C'est le fait d'envisager cette possibilité de révolte ou bien d'insurrection contre un pouvoir injuste ou bien un pouvoir violent. C'est ça. Mais le droit de résistance. Le droit de résistance, etc. Mais qui a été théorisé également dans les miroirs, pas peut-être de manière aussi exhaustive que dans la philosophie politique moderne, mais en tout cas, il y a toujours un appel à la justice du prince et puis donc on lui signifie de quelle manière il devrait conduire. Donc parfaitement, c'est sa population et donc il y a des mécanismes en fait permettant de résister au prince et de montrer que il y a des contre-pouvoirs qu'il faudrait utiliser parce que ce n'est pas permis effectivement d'être injuste. Par contre, l'idée que le fait de vivre donc sous un pouvoir autoritaire ou voire injuste ou violent soit préférable donc c'est-à-dire que est-ce au trouble, que voilà ça, oui. Ça c'est une idée qui était là effectivement. Oui. Est-ce qu'il y aurait, je pousse peut-être l'idée un petit peu loin, mais est-ce qu'il y aurait dans l'éthique du prince quelque chose de presque sacrificiel, au sens où le prince devrait à certains moments, lorsque les circonstances l'exigent, renoncer à la bonne image qu'il a de lui-même et à la bonne image qu'il donne de lui-même et accepter d'être autoritaire, voire accepter de recourir momentanément à la justice lorsque nécessité fait loi. Hein. Tout à fait. Oui, justement, il y a parmi les développements qu'on trouve dans ces traités, d'ailleurs, qui ne sont pas exclusifs en fait de la tradition arabe, il y a effectivement la justification du recours à des moyens violents, mais qui seraient exceptionnels, parce que la finalité, elle est purement politique. Et que finalement, alors là, on tombe sur la une des grandes questions politiques, très au-delà. Voilà, la raison d'état, tout à fait, oui. Et la question de la fin qui justifie ou pas les moyens. Absolument. Là, nous sommes dans un univers machiavélien, mais bon, même si les textes sont pré-machiavéliens, mais ils en ont parlé, et on trouve que, par exemple, les Ottomans avaient vécu ce dilemme, ce problème, puisque pour conserver la souveraineté et pour résoudre les problèmes liés à la succession, certains souverains étaient obligés de mettre à mort, ou bien de faire mettre à mort les princes, enfin leurs propres enfants. On va revenir un peu au début du livre, parce que vous positionnez dès le départ dans un débat. Vous commencez par mentionner de façon critique un certain nombre d'auteurs qui ont imposé l'idée qu'en islam, le politique et le religieux seraient inséparables. Alors vous citez toute une ribambelle de travaux, au moins depuis les années 70 jusqu'à des travaux très très récents. Des travaux selon lesquels l'exercice du pouvoir politique en terre d'islam n'aurait jamais réussi de façon durable à prendre son indépendance, je parle du pouvoir politique, vis-à-vis de la domination ou de la tutelle religieuse. Je vous cite, « La plupart des travaux portant sur la pensée politique de l'islam l'identifient à une structure figée qui doit immanquablement ramener le politique au divin et dénier par là même aux hommes toute prétention à organiser l'espace civil ou toute possibilité d'agir sur le réel. » Et vous faites référence dès le départ à la sociologie de Max Weber, dans Le Savant et le Politique, le grand livre de 1919. Max Weber qui distinguait trois types de pouvoirs. un pouvoir qui est le pouvoir moderne, la forme la plus moderne de pouvoir dans laquelle, eh bien, justement, le politique s'est émancipé de la tutelle religieuse, c'est ce qu'il appelle la domination légale rationnelle. Tout à fait. Et en revanche, des pouvoirs qui seraient plus archaïques, plus primitifs. D'un côté, la domination charismatique, de l'autre côté, la domination traditionnelle. Et à partir de là, vous dites que tous les penseurs, beaucoup de penseurs occidentaux qui ont regardé du côté de l'islam et du côté du pouvoir politique, ont regardé de ce côté-là à travers cette grille weberienne, et que à travers elle, eh bien, ils ont assimilé d'une façon quasiment exhaustive le pouvoir tel qu'il s'exerce en islam à ces deux types un peu primitifs d'exercice du pouvoir que sont la domination traditionnelle et la domination charismatique. Et vous avez l'impression, vous dites, vous inscrivez de façon critique en faux contre cette assignation, je dirais. Hein. Tout à fait. Bon, en fait, cette lecture, elle existait depuis peut-être le 18e siècle, et dans le livre que j'avais mentionné tout à l'heure, donc Al-Mawardi, donc de l'éthique du prince et du gouvernement de l'État. Je reprends effectivement cette discussion, et je remonte en fait jusqu'à Volney, chez lequel j'ai trouvé cette idée selon laquelle les Arabes n'avaient pas d'art de gouverner ou de science de gouvernement, pour revenir à cette expression de science de gouvernement. Mais par exemple, Volney, à ce moment-là, il s'appuie sur quoi pour affirmer ça? Sur une expérience concrète, parce qu'il il a fait un voyage en Syrie et en Égypte, et donc il a pu regarder de près la situation politique en fait de ces deux pays, donc et de l'Orient en général, et ça lui a permis après de faire une relation de voyage dans laquelle, en fait, il notait ses impressions. Et c'était frappant de voir à quel point donc se mettait en place ce discours qui a bien évidemment qui se comprend, parce que c'était un discours qui se construisait en miroir de ce qui se faisait en Europe, plus particulièrement en France. Et donc on a commencé depuis à voir l'islam comme une sorte d'anti-Occident, et à refouler en fait de nombreuses images dont on essayait de se débarrasser. Par exemple, le despotisme donc devient oriental, alors qu'il y avait une tradition absolutiste en Occident, ou bien le religieux, donc parce qu'il y a un processus de sécularisation qui s'installait, et donc petit à petit, notamment avec Weber, et puis dans la tradition du XXe siècle, eh bien on commence à considérer que la sécularisation, c'est un processus purement occidental, et que finalement l'islam, ça reste donc un mode de gouvernement qui est profondément religieux, ou bien moniste, dans lequel il n'y aurait pas de séparation possible entre la politique et la religion. Alors il n'est pas donc seulement question de miroir avec l'expression miroir des princes. C'est un autre miroir. Voilà, c'est un autre miroir. Et vous le dites d'ailleurs comme tel. C'est-à-dire que vous dites que cet Occident qui, à partir du XVIIIe siècle, se sécularise, c'est-à-dire, on rappelle la définition de la sécularisation, qui se met à séparer le politique du religieux, et puis plus largement, le processus de sécularisation, c'est ce processus dans lequel la religion perd son magistère et son autorité sur les sociétés, sur les institutions, sur les consciences. Hein. Donc pendant que l'Occident, au moment même où l'Occident se sécularise, il crée en miroir une certaine image de l'islam, peut-être parce que pour se définir soi-même ou se redéfinir soi-même, on a toujours besoin d'une figure un peu repoussoire, qui serait l'inverse de ce qu'on est en train de construire et de la façon dont on est en train d'essayer de se constituer. Et donc vous dites même que à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la sécularisation, donc séparation du politique et du religieux, l'image de l'Orient, et en particulier l'image de l'Orient islamique, va changer. C'est-à-dire que l'Orient, qui jusque-là dans l'imaginaire occidental signifiait ce qu'on a appelé d'ailleurs le despotisme oriental, c'est-à-dire l'excès, la démesure, l'hubris, la violence, l'arbitraire, etc. Eh bien, ça change et ça devient un système, donc dans l'imaginaire et dans la pensée occidentale, un système au contraire coercitif dans lequel le politique apparaît comme irrémédiablement prisonnier du religieux. Tout à fait. C'est-à-dire ça devient une théocratie en fait. Voilà, ça devient une théocratie donc conçue comme anti-modèle par rapport à ce qui se cherche du côté de l'Occident. Mais alors ça veut dire qu'il y a là quelque chose, d'ailleurs vous employez la notion de Blumenberg, il y a quelque chose qui relève de l'iniquité historique. Absolument. Il y a une injustice, c'est-à-dire il y a un préjugé qui se construit et qui est, selon vous, nécessairement faux, parce qu'il est complètement conditionné par ce discours. Tout à fait. En fait, il y a deux autres faces en fait du problème. La première facette, c'est celle du discours islamiste qui commence à émerger dans les années 50, donc en Orient. principalement en Égypte, mais aussi au Pakistan, enfin en Inde et au Pakistan, ce discours reprend lui-même donc la critique et l'attaque des orientalistes, mais tente paradoxalement de trouver en fait une voie politique pour l'islam, mais qui va finalement rejoindre en fait ce discours dans la mesure où ce qui sera recherché par les fondateurs de l'islamisme, c'est une forme de théocratie. C'est-à-dire, on trouve concrètement une récupération du discours orientaliste par les fondateurs de l'islamisme, récupération dont le but était donc de dire que finalement, oui, effectivement, nous avons cette fusion entre le politique et le religieux, c'est notre identité. C'est notre trait en fait religieux et politique le plus fort, et donc ils ont essayé de le mettre en avant en tant que particularité de l'islam par rapport à la fois à l'Occident, donc contre lequel se définissait effectivement l'islamisme naissant, et c'est pour cela que dans ces discours, dans les travaux des pères fondateurs de l'islamisme dans les années 50, on trouve effectivement cette idée selon laquelle l'islam serait une théocratie parce qu'il n'y aurait pas de séparation possible entre le politique et le religieux, et donc là on a rejoint le discours orientaliste. C'est vraiment paradoxal. Comme processus. Alors, ce que vous êtes en train de nous décrire, si on le résume, c'est le processus suivant. Donc à partir de quand ? À partir du XVIIIe siècle ? Tout à fait, s'installe, principalement, oui. Voilà, ce qu'on pourrait appeler une complicité objective entre d'un côté l'orientalisme, la thèse orientaliste, hein, selon laquelle l'islam est incapable de séparer le religieux et le politique. Tout à fait. Voilà. Donc une thèse qui est elle-même réactive, c'est-à-dire que l'Occident pense l'Orient islamique en réaction à la façon dont il se pense, il se cherche lui-même. Et puis donc une complicité objective de cet orientalisme avec, du côté musulman, un fondamentalisme qui, lui, va s'appuyer sur ce préjugé orientaliste pour installer du côté de l'islam, effectivement, un discours de l'inséparabilité. Donc, deux réactions l'une en face de l'autre, finalement. Et dont d'autres musulmans voulaient se débarrasser, parce que au début du XXe siècle, il y avait quand même des mouvements qui cherchaient, comme celui de, par exemple, un penseur comme Abd al-Razak, qui cherchait, avec l'islam et les fondements du pouvoir, qui cherchait justement à dépasser ce problème. Et donc à ne pas se laisser enfermer dans la vision occidentale, c'est exactement, ça. Il y a une sorte de piège, là, et le pressentiment chez des auteurs comme ça d'un piège. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'on retrouve en fait ces deux pièges, disons, dans la littérature qui s'est intéressée à la pensée politique de l'islam pendant tout le XXe siècle, et d'ailleurs jusqu'à maintenant. Et donc, ce qui est dommage, c'est de s'appuyer sur ces deux types de discours pour en déduire justement les principes du fonctionnement du politique en islam et de les généraliser au point de les transformer en fait en normes intangibles. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de montrer qu'à l'époque classique justement, donc il en allait tout à fait autrement parce que eh bien, on avait des formes d'autonomisation du religieux, des formes de mondanisation, de valorisation du monde de l'ici-bas par rapport à l'au-delà, des formes également de transfert, disons, des règles théologiques vers le domaine politique. Donc, du coup, une série, si vous voulez, de principes et de mécanismes et de schèmes qui rappellent, en fait, la définition de la sécularisation telle qu'elle a été, donc, mise en place par les grands penseurs, disons, entre le 19e et le 20e siècle. Oui. Alors, donc, ce que vous essayez de faire, c'est de lutter contre la prégnance de deux imaginaires. Tout à fait. Qui se sont constitués l'un par l'autre. Ils se rejoignent, oui, tout à fait. Hein, c'est-à-dire d'un côté l'imaginaire orientaliste, j'aurais presque envie de dire déguisé souvent en pensée scientifique. Oui, pour certains, hein, oui, tout à fait. Pour certains. Oui. Et puis l'imaginaire en face qui est fondamentaliste. Tout à fait. Mais à cet égard, et vous avez fait référence au XXe siècle, on est au début du XXIe siècle, est-ce que nous ne sommes pas toujours captifs? Oui. justement, de la domination de part et d'autre de ces deux imaginaires et finalement de leur responsabilité dans ce qu'on appelle, depuis Huntington, le choc des civilisations. Bien sûr, mais le rôle du chercheur, justement, c'est de sortir de ce conditionnement par les discours actuels, par les médias par exemple, ou bien les raccourcis faciles, les simplifications, ou bien les visions simplificatrices, et d'aller un peu plus loin, puisqu'il s'agit en fait d'étudier toute une histoire, un monde complexe, qui s'est étalé en fait sur plusieurs régions dans lesquelles il y avait un certain nombre d'ethnies, de cultures, de langues. L'islam n'est pas du tout une église, n'est pas du tout une secte, donc il faut le considérer comme un monde, et ce monde était peut-être même comme des mondes, ou comme des mondes, voilà. Voilà, il faut toujours essayer de parler au pluriel en fait en parlant de l'islam, et il ne faut pas réduire à la dimension religieuse ou bien théologique ou bien sectaire ou autre. Alors même s'il y a des tentatives de la part de certains fondamentalistes ou bien de certains extrémistes en fait de le réduire justement à une secte, et il faut De réalimenter ce que Harcourt appelait la mytho-idéologie d'un islam qui serait inséparablement, j'ai presque envie de dire de façon vraiment irrémédiable, irréversible, à la fois religion et politique. Tout à fait. Il faut pas être victime justement de ce mécanisme, et il faut pas tomber dans ce piège. Non, à mon avis, le rôle du chercheur totalement éveillé d'arriver à s'en extraire et donc avoir les choses correctement. Oui, mais alors là, vous avez vraiment affaire à forte partie, parce que, comme vous le dites au début du livre, ils y sont mis à plusieurs. C'est-à-dire que, je vais donner des exemples. Vous citez par exemple Louis Gardet. Alors, on a une grande figure avec un livre qui est évidemment un classique depuis longtemps. Chevrin en 1976, La cité musulmane. La cité musulmane, tout à fait. De la même façon, vous citez l'historien autrichien Gustav von Grunenbaum. Ils disent tous les deux à peu près la même chose. Je vais citer par exemple, c'est vous-même qui le citez, je reprends ce que vous dites dans le livre, von Grunenbaum, je cite, « En islam, la philosophie politique tient à ce seul principe, Dieu gouverne seul, même s'il choisit de gouverner à travers un chef humain. » Donc l'idée qui est derrière, c'est que finalement, le prince n'est qu'une marionnette de Dieu. Oui, tout à fait. Dieu décide et le prince exécute. Ou bien justifie son pouvoir par Dieu. Et justifie son pouvoir par Dieu. C'est plus intéressant, parce que ça marche dans les deux sens. C'est réversible, tout à fait. On ne sait pas qui domine qui, finalement. Ou qui se sert de qui. Bon. Il continue, von Grunenbaum, que ce chef ait été nommé ou élu, on ne change finalement rien à l'affaire. Son autorité résulte et ne peut résulter que de son investiture directe par Dieu, car la sienne, on parle de Dieu, l'autorité de Dieu, est l'unique autorité véritable, même dans l'ordre temporel. C'était un livre de 1973 qui avait pour titre « L'identité culturelle de l'islam ». Et puis plus récemment encore, j'insiste là-dessus parce que je trouve spectaculaire la façon dont vous montrez la perpétuation de ce qui est en réalité une représentation très discutable. C'est Patricia Crone, qui est professeure d'histoire de l'islam à l'Institute for Advanced Study de Princeton. Elle dit, en bref, la société musulmane est demeurée une assemblée consacrée à la prière. Oui. Contrairement à l'État, ça veut dire qu'il n'y a pas d'État en réalité. Elle a tout. Non, mais c'est une église. Radical. Je crois que plus loin, elle dit que c'est une église. C'est ça. C'est une communauté église qui, dans toute son existence sociale, n'a pas une réelle existence socio-politique, mais une existence ecclésiale et religieuse. Oui. Et donc, elle dit, contrairement à l'État, cette communauté, cette assemblée consacrée à la prière, a toujours été organisée sur des bases religieuses. Tout à fait. Bah, en fait, justement, ces discours seraient valables si on s'appuyait uniquement sur la littérature islamiste, c'est-à-dire qui est vraiment qui a une date précise de naissance, qui est celle donc de la moitié du XXe siècle. Par contre, dès qu'on remonte un peu plus loin, c'est-à-dire on revient donc à la période du début de l'âge classique de l'islam, vers le 8e siècle, le moment de la fondation des arts de gouverner, ou bien de l'expansion de cette activité intellectuelle autour de la philosophie d'inspiration grecque, mais aussi des différents savoirs comme le droit, même chez les juristes de l'islam, ou bien même en théologie, en fait, on trouve rarement ce genre d'affirmation, parce que la plupart des penseurs politiques de l'islam, quel que soit, si vous voulez, le référent ou le domaine à partir duquel, ou bien le champ disciplinaire dans lequel il s'inscrivait, eh bien, on constate qu'il séparait soigneusement ces deux points, la souveraineté de Dieu. Donc, on discutait beaucoup, justement, de Dieu en tant que souverain, gouvernant de l'univers, et la souveraineté de l'homme détenteur du pouvoir. Et le problème en fait de ces discours, c'est qu'ils partent en fait d'un vice logique qui s'appelle l'homonymie, tout simplement, parce que Dieu est souverain effectivement, et l'homme d'État est souverain aussi, et donc à partir de là on va confondre les deux formes de souveraineté pour dire que seul le Dieu peut être considéré comme le véritable souverain. Et ces idées, en fait, on les retrouve justement chez les penseurs de l'islamisme. Et c'est vraiment dommage de référer en fait à ces penseurs ou bien à d'autres théologiens, parce que chez les théologiens également, on va trouver cette idée selon laquelle il n'y a pas d'autre pouvoir que celui de Dieu, effectivement. Mais dès qu'on creuse un petit peu la question à partir de véritables penseurs politiques qui, eux, arrivaient à distinguer les différents types de pouvoirs, de la même manière qu'on peut désigner quelqu'un de savant et Dieu de savant, ou bien quelqu'un de généreux et Dieu de généreux. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible qu'entre ces deux types de souveraineté, d'un côté une souveraineté divine qui serait donc d'ordre métaphysique, et puis de l'autre côté une souveraineté humaine de nature politique, est-ce qu'on peut penser quelque chose qui serait à la fois de l'ordre de la séparation et de la distinction, ce sont deux types de pouvoirs distincts, et en même temps que cette séparation, donc quelque chose qui serait à penser de façon complexe, quelque chose de l'ordre néanmoins d'une articulation, ou alors... Est-ce que si l'on veut vraiment penser la séparation, il faut affirmer la différence de ces pouvoirs, Dieu gouverne métaphysiquement et il n'y a pas de rapport à chercher avec le pouvoir politique? Justement, c'est ça le problème de l'homonymie, c'est qu'il y a une différence fondamentale de pouvoir. C'est-à-dire même si on les désigne par le même nom, par le même attribut, eh bien il n'en reste pas moins qu'il s'agit de pouvoirs complètement différents. Donc, les philosophes de l'islam, par exemple Averroès, justement, expliquent très bien ce vice du raisonnement contre Al-Ghazali à plusieurs reprises, parce que ça crée beaucoup de confusion, c'est-à-dire entre la théologie et la philosophie. Effectivement, la plupart des problèmes naissent de vices de raisonnement, comme celui que nous venons de décrire. Et d'autres penseurs, par exemple dans la littérature des Miroirs des Princes, s'inscrivaient contre cette tendance à, disons, à amalgamer les deux types de pouvoir, ou bien à ramener le pouvoir du prince à celui de Dieu. Le prince, c'est tout simplement un homme qui est donc qui est amené à gouverner les hommes, donc sans forcément faire référence au pouvoir de Dieu, parce que d'une manière générale, le prince c'était le conquérant. Un homme conquérant, donc un guerrier, un militaire qui devait fonder un État suite à une conquête armée, tout simplement. Bon, il n'y a pas eu, quand même, rendons leur justice, il n'y a pas eu que des penseurs qui ont justement insisté de façon unilatérale sur la soi-disant inséparabilité du politique et du religieux en islam. Il y en a eu d'autres. Je pense par exemple à Olivier Roy dans l'échec de l'islam politique, qui a bien distingué justement cet imaginaire politique de l'islam. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pas seulement la question du regard occidental. C'est aussi tout un imaginaire qui, dans les sociétés musulmanes, s'est constitué en instituant justement le pouvoir politique, plus exactement en entourant toujours le pouvoir politique d'une certaine aura religieuse et d'une certaine aura de légitimité qui viendrait de Dieu, qui viendrait du prophète, etc. etc. Tout à fait. Mais ce travail en fait de construction purement imaginaire, il faudrait vraiment le situer, le contextualiser, parce que je pense que c'est le produit de l'échec de modernisation, qui ont eu lieu donc à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Et c'est ce qui explique justement le succès de cette pensée islamiste, qui est fondée sur ces simplifications, sur des raccourcis. Et donc, c'est une littérature qui a réussi à construire cet imaginaire, et puis surtout à ramener l'identité de l'islam, l'identité politique principalement, à cet imaginaire-là, à l'inscrire complètement dans cet imaginaire. Et comment alors vous expliquez que cette pensée politique de l'islam moderne et contemporain n'est pas réussi à se ressaisir de toute cette littérature des Miroirs des Princes dont vous parlez, parce qu'il y avait là un héritage, un matériau qui aurait été non pas transposable tel quel, mais qui aurait pu servir de matrice à penser pour les temps modernes ou pour époques contemporaines quelque chose comme une séparation du politique et du religieux. Absolument. Donc comment expliquer cette impuissance à se ressaisir de cet héritage? Le problème, c'est que tout l'héritage de l'islam, qu'il s'agisse de sciences exactes, de littérature, de poésie, tout cet héritage, même de langue, de grammaire, tout cet héritage, malheureusement, n'est pas encore totalement assumé, n'est pas encore totalement connu. Et les islamismes de tout genre, en fait, jouent sur cette ignorance de l'islam, ou bien utilisent ou instrumentalisent cette ignorance de l'islam, parce que il y a une confiscation, en fait, du discours autour de l'islam par ces mouvements. Et par conséquent, on n'a pas réussi jusqu'à maintenant, en raison de la faiblesse du champ disciplinaire des lettres et sciences humaines d'une manière générale, ou bien des sciences humaines et sociales, on n'a pas réussi encore à trouver cette amorce permettant de fonder quelque chose sur cet héritage. Tout à fait. Alors, des arts de gouverner classiques. S'il y a donc une crise actuelle du monde musulman. Il y a une crise intellectuelle. Alors justement, elle se situe sur deux plans. C'est-à-dire que c'est une crise intellectuelle qui consiste en cette impossibilité à se ressaisir d'un certain nombre d'héritages de pensée. Tout à fait. Et puis qui se traduit ensuite par une deuxième dimension de la crise, qui est une crise sociopolitique, parce que ces pensées ont par vocation, puisqu'elles parlent du politique et de l'organisation de la cité, elles ont vocation à créer des systèmes de gouvernement, des organisations sociales, etc. Hein, donc il y a une impuissance ici qui est tragique, tant sur le plan intellectuel que sur le plan politique. Absolument. Et puis qui s'est doublé d'un problème de formation de l'homme depuis les années 70. Malheureusement, la plupart des États se sont désengagés par rapport à la question de la formation de l'individu et ont délégué cette question justement à des institutions religieuses ou bien à des individus. Ou bien à des espaces comme la mosquée qui finalement ont pris en charge cette question de la formation morale et politique de l'individu, alors que l'État aurait dû quand même investir dans la formation de l'homme, et c'est ce qui n'a pas été fait. Donc au bout d'un demi-siècle, eh bien on récolte en quelque sorte les fruits de ce qu'on a semé. Mais est-ce que ça veut dire que les États du monde musulman auraient dû créer des énarchies? Absolument. Il fallait créer de bonnes universités dans lesquelles il y aurait de la bonne recherche, des traductions par exemple, permettant d'assimiler un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Par exemple, en matière de traduction, ce que traduit le monde arabe est vraiment très très faible par rapport à ce que traduisent les Européens ou les Américains, par exemple. Bien sûr. Alors, c'est justement parce que vous appelez de vos voeux cette réappropriation d'un certain nombre d'héritages que vous avez eu la volonté dans ce livre, dont je rappelle le titre, Islam et politique à l'âge classique, Makram Abbès, qui est paru au PUF, dans la collection Philosophie. Les PUF sont les presses universitaires de France. Dans ce livre, Islam et politique à l'âge classique, vous voulez faire connaître trois écoles historiques de la pensée politique en islam. Il y a d'abord l'école de ce qu'on appelle depuis le début, et on l'a défini, le miroir des princes. Ensuite, l'approche ou l'angle juridique, c'est-à-dire la tradition de droit politique. Et enfin, l'angle de la pensée philosophique, c'est-à-dire de la philosophie politique. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces trois approches de façon un petit peu scientifique, tout en sachant que, encore une fois, en tant que chercheur, votre ambition est de montrer, je vous cite, que l'histoire du politique et du religieux en islam n'est pas aussi fusionnelle qu'on la présente. Tout à fait. Ça rejoint justement notre discussion de tout à l'heure. C'est-à-dire que mon objectif, une fois que j'avais donc mis en place les grandes lignes en fait du discours actuel sur la pensée politique de l'islam, j'ai tenté de voir quels sont les référents à partir desquels bien des penseurs ont exploré cette catégorie de l'existence humaine qu'on appelle le politique. Et à partir de là, j'ai exploré ces trois grandes traditions parce que effectivement, j'ai découvert que le discours politique ou bien les productions portant sur la pensée politique n'étaient pas du tout homogènes. Au contraire, on avait une pluralité de discours et chaque discours en fait partait d'un référent ou s'inscrivait dans un champ disons particulier. La littérature par exemple des Miroirs des Princes part de l'histoire, donc l'histoire des grands souverains, et c'est ce qui donne lieu à une littérature donc pragmatique, attachée à la positivité, attachée donc à la mise en place concrète et effective des moyens permettant de bien gouverner l'État. Ça rejoint un peu les ambitions d'un Machiavel qui partait toujours de l'histoire comme référence, c'est-à-dire étudier l'histoire et non pas le droit, par exemple, ou bien la philosophie. Machiavel se posait aussi bien à la tradition juridique qu'à la tradition philosophique. Alors, il y a une autre tradition, celle du droit, qui s'est préoccupée de ces questions politiques, mais à partir de ce qui travaille donc universellement les juristes, à savoir la distinction entre la norme et l'exception. Comment établir une règle et surtout comment la valider? Quelle est la méthodologie à laquelle on devrait recourir pour fonder une règle de droit à partir de laquelle, ou bien une norme. Donc une norme en matière d'élection du souverain, de mise en place d'un conseil. Bon. Et donc, de la conduite de la guerre, par exemple. Et donc, ces normes, dans la tradition juridique de l'islam, devraient se référer principalement à la jurisprudence, c'est-à-dire à la première pratique des grands souverains de l'islam, le calife bien guidé, le prophète, bien évidemment. Et donc, à partir de là, on cherchait à explorer le texte coranique, l'édit du prophète, les pratiques des souverains, et de déduire donc les règles permettant de gouverner l'État. Ensuite, la troisième grande tradition, c'est celle de la philosophie. Là, nous avons une source d'inspiration qui est totalement différente. Ce n'est pas du tout le droit, ce n'est pas non plus l'histoire, mais plutôt la réflexion scientifique sur la politique qui est issue principalement de la tradition platonicienne. Et là, nous avons une autre ouverture puisqu'il s'agit d'explorer le statut de l'homme au sein de l'univers et donc du coup Il y a une description en fait de la finalité de l'existence humaine qui est le bonheur et l'atteinte de la fin suprême, donc qui est le bonheur. Et à partir de là, donc on remonte régressivement à ce qui permettrait à l'homme d'atteindre cette fin. Et là, on va constater que la cité devrait en quelque sorte être la réfraction d'un modèle parfait qui est le cosmos, dans lequel les rapports entre Dieu et les différents intellects du monde supralunaire donc serait en quelque sorte l'analogie de la mise en place en fait d'une cité parfaite dans laquelle effectivement il y aura un gouvernant ayant un statut analogue à celui de Dieu et puis donc des membres composant le gouvernement ou bien la cité qui serait semblable donc à l'univers gouverné par Dieu. Oui. Donc ce qui est intéressant par exemple dans cette approche philosophique, c'est que la référence religieuse ne disparaît pas, mais on n'est pas du tout dans une logique de tutelle, en tutelle du politique par le religieux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'archétypes qui sont puisés du côté de la religion, mais avec quelque chose qui permet à la cité politique de conserver tout à fait son indépendance. Le seul point où il y a une rencontre en fait entre la religion et la philosophie dans cette tradition, c'est la question de la fin suprême de l'homme, qui est le salut de l'âme. Alors après, il y a beaucoup de discussions entre les philosophes de l'islam, entre Farabi, Averroès, Avampas, Avicenne, à propos du salut de l'âme. Ce n'est pas une fin qu'on atteint à travers l'interprétation des textes religieux. Oui, c'est-à-dire les textes religieux sont vraiment mis de côté, c'est-à-dire il n'y a pas de travail direct sur les textes, mais donc une description de cette fin à partir de l'accomplissement des capacités ou bien de l'investissement en fait des capacités enfouies en l'homme, et ces capacités sont principalement rationnelles. Donc l'homme se distingue des autres créatures par sa raison. Oui. C'est une vision politique qui est surtout inspirée par un certain humanisme, plus que par une théologie. Absolument, c'est vraiment la tradition du droit naturel ancien s'inscrit donc dans la tradition platonicienne et aristotélicienne. Et la recherche en fait elle part de ce fond et se développe en fait de cette manière-là. Bien évidemment, il y a des influence de la culture de l'islam, mais dans le sens moral, dans le sens politique. Oui. Mais le référent majeur n'est pas du tout la religion ou la théologie, c'est vraiment la science. C'est-à-dire. Alors c'est la science. Je parlais quand même d'archétype, c'est-à-dire par exemple ici Dieu sert d'archétype, c'est-à-dire la relation que Dieu entretient à l'univers, c'est-à-dire qui est la relation d'un gouvernement juste, d'un gouvernement sage, d'un gouvernement etc. Ordonné, bien ordonné avec des idées d'harmonie, de proportion, de beauté, etc. Eh bien, va servir de modèle intelligible. Tout à fait. Au gouvernement de la cité par l'être humain. Effectivement. En effet, on n'est pas dans le régime de la comparaison, de la métaphore. On est plus dans l'analogie, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'identité de structure et le fait de reproduire ce modèle permet d'arriver à la politique parfaite. Alors, une analogie de structure qui permet à l'homme d'être autonome dans le gouvernement du monde, puisqu'il est fait appel à sa responsabilité. Tout à fait. Et puis, surtout, les différentes formes de rationalité dont il est capable, en fait, de déployer les formes. Dans un exemple concret de miroir des princes, pour que nous puissions, à travers cet exemple concret, voir quelles sont les vertus précises qui sont attendues du prince ou auxquelles il est exhorté. Vous prenez un exemple, c'est un très très beau titre, l'exemple d'un livre qui s'appelle Le Testament d'Ardazir. D'Ardashir, voilà. Alors Ardashir, qui était le roi perse de la dynastie sassanide ayant gouverné de 227 à 241. Je ne le savais pas, hein, je l'ai lu dans votre livre. Alors, c'est un testament qui est traduit du persan. C'est un manuel, c'est typique des Mémoires des Princes, c'est-à-dire c'est un manuel de sagesse ou d'habileté politique. Donc, du côté arabe, on appelle ça des adab sultaniya. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire des règles de la conduite du pouvoir politique. Et il est constitué, ce testament d'Ardashir, d'un certain nombre de maximes. Je crois que c'était adressé par le roi à son fils. Shapur, hein. Oui. Voilà. On appelle Shapur ou Sapur, oui. Et alors, ce que vous dites, c'est que ce qui caractérise ce Miroir des Princes, c'est qu'il est constitué d'une morale sèche, jointe à ce que vous appelez une rationalité calculatrice. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. Ce testament, en fait, il a été légué donc par Ardashir à son fils, au début du IIIe siècle. Mmh. Alors Ardashir, c'est un roi important dans l'histoire de l'Empire sassanide, parce que donc l'Empire sassanide qui sera défait au 7e siècle par les Arabes. Ce roi a unifié l'Empire qui était en quelque sorte disloqué pendant des siècles, et cette unification est passée par la guerre. Est passé également par une attention particulière au danger que pourrait représenter le chef religieux. Et parce qu'en fait Ardashir était pratiquement le contemporain de la prédication de Mani, qui va croiser certaines traditions mazdéennes en fait avec les enseignements du christianisme pour fonder en fait le manichéisme, hein, ce qu'on appelle actuellement le manichéisme. Et donc il y avait quand même une forme d'effervescence religieuse dont Ardashir était contemporain, et dans ce traité on trouve beaucoup de maximes relatives donc au danger que représente un chef religieux. Pourquoi ? Parce qu'un chef religieux pourrait être le rival, le conquérant direct d'un chef politique, et par conséquent donc le chef politique devrait être conscient du danger que représente en fait la religion au sein de l'État, et devrait connaître les moyens par lesquels il devrait gouverner les acteurs se réclamant de la religion, ou bien qui chercheraient à mobiliser les foules à la fois contre le souverain installé, ou bien peut-être pour d'autres raisons. Donc, de quelle manière justement maîtriser en fait ce facteur qui s'appelle la religion, ou bien cet élément qui s'appelle la religion au sein de l'État. Donc, oui, cette idée de rationalité calculatrice et de cette morale sèche, parce que effectivement, il faut savoir se maintenir, conserver le pouvoir contre un danger potentiel, un danger très important qui est celui des prédicateurs religieux. Voilà, donc là, la religion pour le pouvoir politique est moins une source d'inspiration et encore moins une source de légitimation que quelque chose qui demande à être surveillé comme le lait sur le feu. Tout à fait. Parce que c'est du côté du religieux que peuvent venir toutes les discordes. Tout à fait. Et de déstabilisation du pouvoir. C'est-à-dire que nous trouvons en fait chez Ardashir deux maximes qui a priori seraient contradictoires comme ça à première vue, mais en fait ce n'est pas du tout le cas. Il y a une célèbre maxime qui dit que la religion et le pouvoir sont deux sœurs jumelles. Dont l'une ne peut se passer de l'autre. Oui. C'est-à-dire que le pouvoir politique devrait, d'ailleurs ce sont des maximes que j'analyse dans les deux livres, le pouvoir politique devrait idéalement reposer sur un fond religieux. Mais là, la religion est prise dans un sens moral. C'est-à-dire l'État devrait idéalement incarner certaines valeurs, d'ailleurs même pour les États démocratiques actuellement, donc on leur attribue en fait la mission d'incarner certaines valeurs liées par exemple à la culture des droits de l'homme, pour prendre un exemple très connu. Dans cette maxime, effectivement, nous avons la même chose. Seulement, la religion pourrait être à la fois un facteur de concorde, de paix civile, quand elle est prise dans ce sens-là, mais elle pourrait être un facteur de nuisance, ou bien de discorde, ou bien conduire donc au tumulte, ou bien donc à la guerre civile, lorsque effectivement il y a cet investissement de l'esprit sectaire qui serait conduit par certains acteurs religieux. Et Averroès d'ailleurs rejoint Ardashir en fait sur ce plan-là, même si son point de départ c'est différent, parce que il a mis en garde donc le pouvoir politique contre les dangers que représente la théologie et différentes divisions qui émanent en fait des courants théologiques. Ce nouage entre religion et politique, ou plus exactement la façon dont le politique se met à distance du religieux tout en étant capable de se légitimer par le religieux, va être exprimé par deux maximes un peu complexes que vous citez et que je vais proposer à notre réflexion. Voilà ces deux maximes, vous les trouvez chez un auteur qui s'appelle Taralibi. Tout à fait. Hein, mais elles sont présentes ailleurs aussi. Elles sont présentes ailleurs. Tout à fait, oui. Mais alors, manifestement, elles font partie des plus classiques. Oui, elles ont parcouru pas mal de textes, y compris d'ailleurs chez certains théologiens. C'est-à-dire, certains théologiens avaient assumé cette maxime que vous allez citer. La souveraineté se maintient grâce à la religion. première, mais la seconde, la souveraineté peut durer malgré l'impiété, mais ne peut se maintenir dans l'injustice. Donc là, c'est un ménage à trois, hein. Tout à fait. Religion, politique, justice. Alors comment ça se noue tout ça? Et comment ça se distingue en même temps? C'est-à-dire que dans les traités des arts de gouverner, la première, disons, vertu du prince, mmh. c'est la justice. Ouais. Donc ce dont on a besoin en fait pour à la fois gouverner et se maintenir même, c'est-à-dire le prince s'il cherche à être dans une certaine configuration du maintien de la souveraineté, donc dans une forme de raison d'État, de pure raison d'État, c'est-à-dire comment tout simplement conserver le pouvoir, il devrait d'abord être muni de cette vertu de justice. Donc il faudrait donc il y a vraiment un idéal de justice. Un idéal de justice qui est fortement présent. Qui est le premier postulat. Tout à fait, qui est le premier postulat. Mais cet idéal justement, il est mis en avant contre d'autres formes de légitimation du pouvoir qui seraient d'émanation religieuse. Et là, on voit très bien que la justice prend le dessus sur la religion, dans le sens où on a besoin beaucoup plus d'un prince juste, qui serait dans une forme d'application neutre des préceptes de la justice, de l'égalité et de tout ce qui en fait émane de ces vertus fondatrices, et plutôt que d'avoir quelqu'un qui se présenterait comme un représentant de la religion, ou bien comme quelqu'un de pieux, ou bien comme quelqu'un d'orthodoxe, alors que il pourrait faillir à ses devoirs en tant que véritable prince. Oui. C'est-à-dire que le métier du prince repose beaucoup plus sur la justice que sur la défense d'un dogme particulier au sein de l'État. Mais là où les choses se compliquent, c'est qu'il y a un nouage entre justice et religion. Hein, tout à fait. Et parce qu'il y a religion et religion. Il y a la religion des dogmes, de l'observance. Tout à fait. Et de quelque chose qui peut être utilisé par le prince comme une justification de son autoritarisme. Et puis, il y a quelque chose qui, dirait-on... Un fond moral. Voilà, du côté de l'essence morale de la religion. Tout à fait. Et constitué par ce fond d'injustice. Absolument. Donc le véritable prince, le bon prince, est simultanément très juste et très religieux, mais dans un sens qui est méta dogmatique. Absolument, c'est un sens qui n'est pas du tout dogmatique, c'est-à-dire c'est un sens moral qui rejoint en fait l'idéal de justice, l'idéal d'égalité, l'idéal de bonté. C'est exactement cet idéal-là et cette moralité-là qui doit être préservée par l'État et idéalement servir en fait de socle à l'État. Il y a une maxime qui dit que cette forme de religion est le socle de l'État, le fondement. Tout à fait. Et de ce point de vue-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même une distance avec Machiavel, avec ce que fait Machiavel au début du XVIe siècle dans Le Prince, chez qui peut-être, mais peut-être, hein, je le soumets à votre question, cette dimension de justice est plus souvent occultée derrière quelque chose qui paraît plus élémentaire, c'est-à-dire une conduite du prince qui serait gouvernée simplement par du pragmatisme et de l'opportunisme. Tout à fait. Machiavel, en fait, va en quelque sorte radicaliser un peu plus cette question de l'éthique, même si l'éthique, en fait, reste fortement présente, en fait, dans l'œuvre de Machiavel, notamment dans les discours, beaucoup plus que dans Le Prince. Mais dans Le Prince, effectivement, on assiste parfois, comme dans le chapitre dans lequel il affirme que le prince, parfois, devrait ne pas tenir sa promesse ou sa parole. Voilà. Donc, une forme de divorce, effectivement, entre la morale et la politique. Mais l'éthique, il faut savoir qu'elle est quand même présente chez lui. Alors, il faudrait passer du temps à énumérer les qualités du prince. Il y en a deux ou trois en particulier sur lesquelles je voudrais que vous réagissiez. Puis après, on devra malheureusement s'arrêter. L'heure tourne très vite. Le bon prince, dans ses miroirs des princes, est celui qui sait s'entourer. Ça, c'est très important. Il sait s'entourer. Les auteurs de ces miroirs insistent sur le rôle du conseil des sages. On a par exemple cette très belle phrase. « Si les rois ont cette supériorité qui consiste à régner, les sages en ont une plus grande encore qui consiste à être sages. Car les sages, grâce à leur savoir, sont assez riches pour se passer des rois, tandis que la fortune des rois ne les rend pas assez riches pour qu'ils puissent se passer des sages. » Tout à fait. Oui. Ben, c'est une belle maxime, effectivement, qui montre que dans cette tradition, on avait quand même des principes très fort lié à cette question du choix des conseillers, donc du choix des hommes sur lesquels le prince pourrait compter, et donc une interrogation sur l'administration que le prince, justement, une fois qu'il est au pouvoir, parce que le problème n'est pas tellement être au pouvoir ou ne pas être au pouvoir, c'est le problème, c'est que faire du pouvoir. Oui. Et une fois qu'on est au pouvoir, il faudrait utiliser tous ces savoirs d'administration. Donc on a besoin de savoir, on a besoin d'art, on a besoin de science pour pouvoir administrer les territoires et les populations. Et donc on est tout de suite et immédiatement dans cette problématique d'accumulation, de recherche, de savoir utile pour gouverner efficacement les gens. Et alors en plus de cette condition extérieure qui consiste à savoir bien s'entourer, il y a une condition intérieure, l'empire sur soi-même, l'ordre intérieur. Je cite un autre miroir des princes, que le souverain commence par exercer son pouvoir sur lui-même, afin qu'il puisse exercer droitement son pouvoir sur les autres. Ça, c'est un point fondamental, d'ailleurs, par lequel je termine l'introduction de l'autre livre d'Al-Mawardi. Effectivement, la base de tout le gouvernement, c'est le gouvernement de soi. Donc là, il y a une forte inscription dans l'éthique, parce qu'il y a cette belle maxime qui dit que celui qui ne sait pas se gouverner lui-même ne peut pas gouverner les autres. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Makram Abbès. Merci à vous. C'était Culture d'Islam, une émission proposée par Abdennour Bidar, à la coordination Dominique Compétissa, à la technique Bernard Alaniel, à la réalisation François Connac. Dans quelques instants, vous retrouverez Marie Richeux pour les Nouvelles Vagues.